Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Trafic de femmes, criminalité organisée et mesures prises par les autorités en Suède. Peut-être que ce hors-série incitera nos politiciens à se bouger. Le dieu des putes t'entend, Erika. J'ai envie de m'amuser. Et toi? Oui. Tu vas voir comme c'est bon, obéir. Faudrait que tu te souviennes que ton ancien tuteur a fait une hémorragie cérébrale il y a 2 ans et que t'es pas allé le voir une seule fois. Bonjour, Holger. Who's bait? Salah. Salah, c'est bizarre, je suis tombé sur ce nom il y a une semaine ou deux. Salah? Je rêve. Hey, t'as vu qui est assis là-bas? Mikael Blomqvist. Ça va bientôt chauffer. Merde! Millennium va encore faire des gros titres. C'est par moi que je suis entrée, il faut que je trouve celui. Troisième épisode. Allô? Mimi, c'est Lisbeth. Écoute, j'ai appris qu'il y avait une place de parking libre dans l'immeuble. Je voudrais la louer. Est-ce que tu pourrais t'occuper des papiers? T'as acheté une bagnole? Ouais, une vieille Honda. T'as pas de parking dans ta nouvelle planque? Je veux pas la garer chez moi. Je t'expliquerai. Alors, c'est ok? Je peux rien te refuser, ma belle. Tu peux t'en occuper rapido, s'il te plaît, parce qu'il y a du monde sur la liste d'attente. Je peux le faire aujourd'hui. Tu passes quand? Purman. C'est pas vrai. Allô? Tu m'entends? Qu'est-ce qu'il fout dans ce café, ce salopard? Hé, Lisbeth, tu m'entends? T'es où? Pas loin de chez toi. C'est qui ce géant blond avec lui? Tu passes maintenant? Oh, Lisbeth! Excuse-moi. Je te rappelle. Le géant blond sort du troquet. Toi, je vais pas te laisser filer comme ça. Tu fréquentes Burman, alors tu m'intéresses. Déjà au travail? Il n'est même pas 7h. J'ai plus beaucoup de temps pour finir. Blomqvist m'a demandé de préciser certains points. Bien dormi? Oui. Je t'ai jamais vu travailler autant tes textes. Mikael me pousse à être perfectionniste. Tu l'aimes bien, hein? Oui, j'adore ce qu'ils font à Millennium. Ils sont tous passionnés et désintéressés. C'est un plaisir de travailler avec eux. J'ai parlé avec Mikael l'autre soir au café. Mmh. Il m'a demandé ce que j'avais l'intention de faire quand ce projet sera terminé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je savais pas. Ça fait tant d'années que je galère comme pigiste. J'aimerais bien avoir un boulot plus stable. Genre Millennium? Mikael m'a demandé si un mi-temps m'intéresserait. Je pourrais avoir un bureau. Et ça me ferait un salaire de base. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'on est samedi, qu'il n'est pas encore 7h. Et? Que je vais bientôt avoir 30 ans. Que dans 20 mois, je serai docteur et que mes règles ont 3 semaines de retard. Mia, c'est pas vrai? J'ai envie que les draps sont encore chauds et pour ce qui me concerne, j'y retournerai bien pour fêter tout ça. C'est pas vrai. Je résume. Le géant blond qui est avec Burman prend le métro. va au café Blomberg, où il retrouve un gros type genre biker avec des cheveux filasses et une queue de cheval. Un autre motard se ramène. Tatouage sur la main droite, gourmette en or au poignet et blouson de cuir avec une inscription dans le dos. Motoclub de Zavelfué. Ils discutent. 5 minutes, pas plus. Le géant blond monte dans une Volvo blanche. Qu'est-ce que Burman peut foutre avec ces mecs? C'est pas son genre. J'aime pas ça. Faut que je jette un œil dans son ordi. Fais voir ton disque dur. C'est ça qui te fait bander. Tes mails. Tu envoies toujours ton rapport pour obtenir l'annulation de ma tutelle. C'est bien. Tu sais obéir quand on te met la pression. Tiens. Mais pourquoi t'as pas encore envoyé celui du mois de mars? T'as la tête ailleurs? Clinique de détatouage à Marseille. Cher monsieur Burman, nous avons le plaisir de vous confirmer votre rendez-vous pour le 15 mai. Tu serais pas en train de me faire une crasse, toi? Je crois que je vais aller te rendre une petite visite cette nuit. Je t'ai pas assez surveillée ces derniers temps. Bon. Le motoclub de Zavelfué maintenant. 91, dessin de police. 7 membres dans le club. Tous fichés, tous condamnés plusieurs fois par la justice. Leur chef s'appelle Maggie Lundin. L'homme au gros ventre et à la queue de cheval. Je te reconnais. Le tatouage à la main droite. Benny Nieminen. 37 ans. 23 condamnations. Et le géant blond. L'immatriculation de la Volvo. Essaye de te souvenir. WOM325. Registre des mines. Volvo V70, immatriculé WOM325. Auto-expert, entreprise de location. C'est pas ta bagnole. T'es un petit futé, toi. Auto-expert, bonjour. RFI Calba, votre service. Oui, bonjour, monsieur. Je m'appelle Gunilla Hanson. Hier, mon chien était écrasé par une voiture qui s'est pas arrêtée. D'après le numéro d'immatriculation, c'est une voiture qui a été louée chez vous, une Volvo blanche. WOM325. Je suis vraiment désolé, madame. Ça suffit pas d'être désolé. Je veux le nom du salopard qui est au volant pour lui demander un dédommagement. Vous avez signalé l'accident à la police? Non. Je préfère régler l'histoire à l'amiable. Je regrette. Mais je ne peux pas donner le nom de nos clients s'il n'y a pas eu de déclaration préalable à la police. Ah bon? Alors on est obligé d'énoncer les gens à la police? On peut pas trouver un arrangement à l'amiable? Non, je suis désolé. Et vous croyez que c'est une bonne politique commerciale? C'est comme ça, je n'ai pas le droit. Salut. Pas grave, on se reverra plus tard. Tu es à l'heure, c'est bien. C'est bien aussi que tu m'as appelé pour me voir. Attitude positive. Je te fais interner avec les flous. Pour le restant de ta vie, c'est ce que tu veux? Mais je veux savoir ce que t'as fait des derniers rapports à la commission de tutelle. Col 45 Magnum. Pas mal. Les derniers rapports. Qu'est-ce j'avais dit chaque mois. Tu dois les envoyer chaque mois. C'est pas ça. Les autres dossiers sont dans ma maison de campagne. Ta gueule. Joue pas au con avec moi. Je te lâcherai pas, Burman. Tu dois les envoyer tous les mois jusqu'à ce que ma tutelle soit révoquée. Sinon, j'envoie notre petit film à tous les médias du pays. Oui. Je vais le faire. Je vais le faire. Autre chose. Oublie ce petit voyage à la clinique de Marseille. Sinon, je te refais le même tatouage. Mais sur le front, cette fois, c'est clair? Oui. Tiens, je te le laisse. Il n'est pas chargé. Tu dormais? Non, j'étais à une fête et j'ai raté le dernier bus. Je me disais que j'aurais pu passer te voir. Ah. Non, j'ai une vieille copine, je l'avais pas vue depuis des années. Oui, c'était très bien. Pour une fois, on m'a foutu la paix avec l'affaire Wennerström. Je suis dans la rue de Lisbeth Salander, figure-toi. Et pas du tout. C'est bien que j'ai renoncé à la retrouver. C'est un raccourci. Attends. Ça alors. J'ai l'impression que c'est elle au bout de la rue. Elle sort de son immeuble. Erika, je te laisse. Hé ! Bouge pas, reste là. La prochaine fois, je te promets, je ne vous ferai pas. J'ai récupéré ton sac dans la rue. Et où ? Lisbeth ! S'il te plaît ! Ça arrive à rien ! Burman, c'est toi qui as payé ce mec pour me démolir. Tu joues au con, Burman. Tu vas bientôt pleurer ta mère. Dire Dax, c'est très bien. J'ai quelques notes de bas de page à rajouter. Et on reste sur 12 chapitres. Ça fonctionne très bien comme ça. J'en ai encore 3 à terminer. Ça va aller, tu seras dans les temps ? Je vais mettre les bouchées doubles. C'est implacable et inattaquable. Plus personne ne pourra ignorer les dysfonctionnements du système. Ce bouquin va faire l'effet d'une bombe. Une vraie déclaration de guerre. Ah bah justement, le guerrier est un peu fatigué. Je crois que je vais rentrer. Vas-y. T'en as fait assez pour aujourd'hui. Je dois encore faire 2 ou 3 bricoles. Je fermerai la boutique. Bonne soirée, Michael. Embrasse Mia. Bonjour, Lisbeth. Voilà, une bonne vieille lettre à l'ancienne que je glisserai dans ta boîte aux lettres en espérant que tu me répondes cette fois. Comment vas-tu ? Pourquoi as-tu décidé de couper les ponts avec moi il y a 1 an ? Sache que je te considère toujours comme mon ami, que tu me manques et que je prendrai volontiers un café avec toi. Ce qui s'est passé l'autre soir dans ta rue m'inquiète. J'ai une dette envers toi et je serai toujours là si tu as besoin d'aide. J'ai ton sac. Je me suis permis de fouiller dedans. Tu t'intéresses aux mathématiques, au théorème de Fermat. Tu es vraiment une drôle de fille. En tout cas, si tu veux le récupérer, fais-moi signe. Il y avait des clés dans ton sac. Là aussi, je me suis permis de les essayer sur ta porte, mais elles ne fonctionnent pas. Lisbeth, si tu ne veux vraiment pas me voir, je peux te l'envoyer par la poste. Mais donne-moi au moins des nouvelles. Excusez-moi. Oui, allô, ne quittez pas. Ne quittez pas. Allô. Bonsoir, Michael, c'est Dag. Je te dérange ? Non, je dîne chez ma sœur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? 2 choses. D'abord, je n'arrive pas à joindre Christerman. Il ne répond pas au téléphone. Il est au théâtre avec son copain. Ah zut. Tu voulais lui parler ? Je lui avais dit que je le retrouverais à la rédaction demain matin pour lui donner les photos et les illustrations du livre. Mais Mia veut aller voir ses parents pour Pâques. Partir à tôt, je n'aurai pas le temps de passer à Millennium. Ah. Est-ce que je peux t'apporter les photos ce soir ? Mon dîner n'est pas fini. Écoute, ma sœur n'habite pas très loin de chez vous. Si tu veux, je passe vers 23h. Ça te va ? Parfait. C'est quoi la deuxième chose ? J'ai un problème avec le texte. Je bute sur un truc que je voudrais vérifier avant que le livre parte à l'impression. Dis-moi. Salah. Il revient un peu partout dans mes histoires. C'est lui qui avait fait venir Irina. Tu sais, la prostituée qu'on a retrouvée noyée dans le canal. Tout le monde semble en avoir peur, mais personne ne veut en parler. Et ? Il y a quelques jours, j'ai eu des infos sur lui. Je pense qu'il est en Suède. Il faudra en parler dans le chapitre 7 sur les souteneurs. Dag, tu vas pas tout changer à 3 semaines de l'impression. Je sais, mais je crois que ce type est un gros calibre. Tu as déjà pas mal de fumier dans ton texte. Mais celui-là n'est pas comme les autres, j'en suis sûr. Ça vaudrait le coup de fouiller un peu plus. Non, non, écoute, on peut pas repousser la publication. La date a été retenue à l'imprimerie et le livre doit sortir en même temps que le numéro de Millennium. Ce C'est dommage. Écoute, on en reparle quand je passe chercher les photos. À tout à l'heure. Tu me passes les couverts, s'il te plaît. C'est déjà Michael ? Il avait dit 23 heures. Je vais voir. Bonsoir. Je cherche Dag Svensson et Mia Bergman. Je suis Dag Svensson. Je peux vous parler ? Vous avez vu l'heure ? C'est à quel sujet ? Du livre que vous allez publier chez Millennium. Non mais vous êtes qui ? Bon, je peux entrer ou on en fait profiter tout l'immeuble ? Entrez. Voici ma compagne, Mia Bergman. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez toujours pas répondu. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Lisbeth Salander. Comment vous savez que je vais publier un livre chez Millennium ? Super intéressante votre thèse, Mia. Comment ? Vous l'avez lue ? Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais savoir pourquoi vous vous intéressez à Salah. Alexander Salah. Et je voudrais savoir ce que vous savez sur lui. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. Troisième épisode, avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blanquist, Léonie Pinjot, Myriam Wu, Pauline Moinjon, Mia Bergman, Mathieu Létuvé, Dag Svensson, Sofiane Kames, Refik Alba, Alain Rimou, Nils Burman, Steve Tiencheux, Maggie Lundin. Et les voix de Sonia Masson, Alexandre Boussabola, Jean-René Houdot, Claire Latreille, Brice Berrier, Jean-Claude Bonifay, Pierre-Stéphane Montagnier, Myriam Ajar et Netalando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.